Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et à 23h, s'il faut vous le dire deux fois. Cette semaine, 1918, après la guerre, les années folles. Une série documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisée par Diffy Mariani. Au départ de cette série, il y a l'envie d'explorer la sortie de guerre et de scruter une société qui se reconstruit après la grande boucherie qu'on n'en peut plus de commémorer. Plus qu'une victoire, c'est la fin d'un cauchemar et une liberté prise par les femmes, mais finalement bien vite confisquée. Alors pour commencer, les personnages. Des petits garçons qui pleurent, trois historiennes du féminisme, une femme libre, une femme qui n'a pas eu le choix, des mutilés de guerre, des femmes pondeuses, un piètre écrivain, des hommes qui ont peur, une conservatrice, des féministes respectables et un mari. Ensuite le décor, des dos nus, des silhouettes adolescentes, une légion d'honneur retirée, un vrai best-seller, une bibliothèque indispensable, le musée Galliera, une robe à danser, l'androgynie, la voix de Joséphine Baker, le retour à l'ordre et l'éternel, éternel féminin. Aujourd'hui, quatrième épisode, ça commence par une coupe de cheveux. Lorsque l'on pense aux années 20, aux années folles qui sont 19-29, eh bien on pense à deux choses. La robe courte et la garçonne. La seule importance réelle du roman de Victor Marguerite, c'est que le titre a donné naissance à l'explication d'un certain type de femme, on l'a dit, les garçons. La garçonne, c'est une jeune femme qu'on imagine comme un préadolescent, sans poitrine, sans fessiers, sans taille, un adolescent. Toutes les femmes ont commencé à s'habiller beaucoup plus court d'abord. Ah, voilà, ça, c'est l'imitation de la garçonne. Mais oui, je dis bien. Elles ont rasé leur nuque, rasé leurs aisselles, dénudé leurs dos. Voilà, les cheveux courts. Je me rappelle un souvenir personnel. Quand j'ai vu ma mère arriver avec la nuque rasée, j'ai pleuré. J'avais 10 ans. J'avais 10 ans et j'ai éclaté en sanglots. Tu n'es plus maman sans tes cheveux, lui ai-je dit. La garçonne, une femme des années 20. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Diffy Mariani. Coiffée d'un béret de cuir, le cou nu dans le manteau dégrafé, elle conduisait avec une décision attentive, si joliment garçonnière. Il y avait là une nouvelle réalisation de la grâce féminine. Un être encore singulier, quoique naissant par milliers d'exemplaires, et avec lequel il fallait dorénavant compter, comme avec un égal. La garçonne, comme scandale, c'est donc d'abord la sortie du roman de Victor Marguerite en 1922. Christine Barr. Une condamnation quasi unanime par les critiques littéraires qui trouvent le livre pornographique et mauvais, tout simplement. Victor Marguerite qui n'est pas à la hauteur de sa réputation, puisqu'il pensait être le Zola du début du XXe siècle. Donc le livre est condamné par le Vatican, les librairies achètent, demandent à ce qu'on retire le livre des gares. Et puis la Ligue des Pères de Familles Nombreuses dépose plainte auprès de l'ordre de la Légion d'honneur pour que Victor Marguerite soit radié de cet ordre. Ce qui serait une toute première dans l'histoire de cet ordre fondé par Napoléon et dont la devise est « Honneur et patrie ». Alors là, c'est le numéro de la croix. Cherche la date, 1923. Annie Metz, bibliothèque Marguerite sanitaire. Durand. Ah oui, alors là, c'est à propos du retrait de la Légion d'honneur, donc dans la croix. C'est avec une réelle satisfaction que l'opinion publique a appris la décision du grand chancelier de la Légion d'honneur enlevant à Monsieur Victor Marguerite sa décoration pour faute grave contre l'honneur. On reproche en premier, à Victor Marguerite, la description des jeunes filles. Yannick Ripa. Qui serait une description qui concernerait toutes les jeunes filles, ce qui évidemment n'est pas du tout vraie, ni socialement, ni même dans le roman. Elle ne fait pas d'émule. Et on reproche à Victor Marguerite de déconsidérer la France à travers ces jeunes filles pures, qui sont toutes à la fois des Marianne, voire des Marie pour les catholiques. Et à partir de là, c'est la nation, à travers ces filles, qui est attaquée. C'est pourquoi il semble qu'il ne doit plus posséder la Légion d'honneur, puisqu'il est à l'inverse de l'honneur de la France. Donc ça, c'est la couverture, c'est un épisode du roman où elle tombe amoureuse d'un danseur nu. Là, il est pas mis, on l'a quand même un peu habillé. Françoise Thébault. C'est une relation très, très ambiguë, c'est la sexualité qui va être considérée comme dépravée de l'héroïne. Là aussi, on voit l'entre-femme, hein, elle a des amours homosexuels. C'est un ouvrage qui a connu une très très large diffusion. C'est véritablement un best-seller publié chez Flammarion, donc 1922. Je crois qu'on dit, il me semble, 300 000 hein, dans la première année, il me semble, et 1 million au total, avec plusieurs rééditions successives et des traductions dans 13 langues. Bon, je pense que le livre se circule aussi. Hein. On considère que pratiquement 10% des adultes l'ont lu, hein, ou même peut-être 10-15% des adultes l'ont lu. Je pars. Je vais rejoindre Tante Sylvestre. Mais voyons, tu es folle. Tu te maries dans 15 jours. Non, je ne me marierai jamais. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je ne me marierai pas. Lucien vit avec une femme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai vu cette femme, elle m'a parlé. Qu'elle est frontée? Ils ont un enfant il y a 2 ans. Ben voyons, Monique, tout ça est évidemment très fâcheux, mais ça ne constitue pas un cadre ultime. Oh, ben tu trouves? Me croisant mon expérience. Non, non, les bancs sont publiés, vous vous marierez. Je ne me marierai pas avec un homme qui a commencé par me mentir. Oh, tu raisonnes comme une enfant, ma petite Monique. Mais écoute, maman, je ne suis plus une enfant, ce mariage est impossible. Parce qu'il y a une maîtresse. Parce que j'ai un amant. Tu te fous de moi? J'ai un amant. Je ne te crois pas. En tout cas, si c'est vrai, si tu as été capable de ça, parle honnêtement. Monique L'Herbier est une jeune fille de la bonne bourgeoisie parisienne qui va faire un mariage arrangé. Et ce mariage arrangé, le père, l'industriel dont les affaires vont très mal, en espère évidemment un nouvel apport financier pour son entreprise. La situation est désespérée. Ton mariage m'est nécessaire. Tu n'as pas honte? Tu es injuste, ma petite Monique. Nous avons tout fait pour ton bonheur. Vous auriez mieux fait de me laisser dans mon coin. Je n'aurais pas connu votre ignominie. Monique, je t'ordonne de taire. Lâche-moi, Monique. Oh, vous êtes ignoble. Elle arriva juste à temps pour apercevoir, du palier, Lucien devant une porte ouverte que désignait un garçon. Il débarrassait de sa cape sa compagne, décolletée jusqu'à la taille. Monique L'Herbier est amoureuse de ce fiancé, mais elle découvre qu'il la trompe, qu'il a une maîtresse. Elle rentre voir sa mère, elle est outrée, et sa mère lui dit en gros que c'est ce qui lui attend à l'éternat, mais que si il avait fallu qu'elle quitte son mari à chaque fois qu'il faisait ça, Monique n'aurait jamais vu le jour. Quand on vit dans le monde, et non seulement nous y vivons, mais nous en vivons, il faut bien accepter, oh, pas ses vices, non, mais certaines coutumes, certaines nécessités, c'est comme ça, nous n'y changerons rien. Et Monique n'accepte pas. Le mensonge? Un devoir? Le devoir, maman, c'est de dire la vérité. Et puisque je la dirai tout à l'heure à Lucien, autant que tu le saches, toi aussi, et tout de suite. Rien ne peut plus s'arranger, rien. Parce que hier soir, en te quittant, j'ai couché, tu entends? Couché avec quelqu'un. Et ensuite, elle se transforme. Elle quitte son milieu bourgeois. J'en ai assez. Ça, le mariage. Ça, la morale. La famille. Je n'ai pas besoin de vous ni de personne. Je travaillerai. Je gagnerai mon pain. Et elle va s'essayer à tous les plaisirs possibles. C'est donc si extraordinaire qu'en matière d'amour, une femme pense et agisse comme un homme. Il faut vous faire à cette idée et me prendre pour ce que je suis, un garçon. Le regard lourd, les cheveux courts. Cigarette au bec, oui, voit-il la garçonne à qui lui plaît, lui fait des frais. Elle se dort et l'oublie après. Elle agit comme font tous les hommes. C'est la dépendance pour elle enfin qui sonne. Oui, c'est bien son heure de goûter au bonheur. Lorsque Monique L'Herbier subit ce choc à quelques jours de se marier, de voir que son futur, comme on disait à l'époque, la trompe, c'est un séisme mental et c'est un séisme, et c'est là où Marguerite est très habile, qui est également physique. On dirait, pour employer des mots actuels, on dirait que le choc lui fait prendre la conscience de genre et par conséquent, ce choc l'amène à faire une rupture totale, radicale, avec ce qui était le monde de la bourgeoisie et le monde des femmes. Il est temps, fille d'Ève, reprenant de l'aplomb, que la femme relève et la jupe et le front. Il est temps qu'elle brave toute moralité et ne soit plus l'esclave que de sa liberté. Vivre sa vie comme ça lui dit, c'est le bon plaisir, la joie de la garçonne. Si tu as l'intention de continuer, moi je vais m'asseoir. Le jazz band déployait sur le dancing en folie ses rythmes sauvages. Les couples se balançaient dans un éclairage bleu. Oh, regarde! Sans les cheveux courts, on dirait Monique. Mais c'est elle, n'est-ce pas? C'est bien elle. Ce que ça la change, cette coiffure. Elle n'a jamais été si bien. Toujours le même éclat, avec un petit quelque chose de mystérieux, de meurtri. Moi, je la trouvais patente. On n'imagine pas la Sainte Vierge avec les cheveux courts. Les cheveux, comme les pantalons, qui sont interdits, sont des assignations, des marqueurs de genre. Et par conséquent, couper les cheveux, c'est d'emblée dire « je ne veux pas de cette féminité de séduction, je ne suis pas une femme objet, je peux autre chose ». Et elle va d'abord, à mon avis, vouloir se le prouver à elle-même pour le prouver à sa famille et à la société. Une joie orgueilleuse la soulevait à l'idée de son dédoublement. Les hommes. Elle sourit, dédaigneuse. À force de l'avoir voulu, elle était devenue physiquement et moralement leur égale. Et cependant, elle avait beau ne pas se l'avouer, il y avait dans l'âpreté de sa revanche un sentiment informulé. Solitude, stérilité. Elle n'en ressentait pas encore précisément la teinte, mais le ver invisible naissait dans la magnificence du fruit. Il y a un contraste entre la modernité de la garçonne qui est une figure de femme affranchie, de femme moderne, de femme émancipée, y compris sexuellement, donc quelque chose d'énorme, et le pouvoir. Alors le pouvoir qui reste aux mains des hommes, les féministes qui ne sont pas entendues, le droit de vote qui n'est pas reconnu, et il faut pas oublier que une des réactions de l'opinion après la guerre, la Première Guerre mondiale, ça a été de voter conservateur. C'est la Chambre Bleu Horizon et c'est l'adoption en 1920 d'une loi qui renforce la répression pour l'avortement et qui interdit la contraception et qui interdit même aux néo-malthusiens et aux néo-malthusiennes de faire de la propagande contre la natalité. Donc les militants et militantes néo-malthusiens font de la prison à ce moment-là. Le leader du mouvement, Eugène Imbert, est quand même condamné en 1920 à 5 ans de prison qu'il va faire entièrement. Enfin, c'était un capitaine qui nous mariait. Il mariait toutes les jeunes filles du coin parce qu'il y avait tellement eu de tués et de blessés. Hein. Il faut vous marier, il faut que la France ait des enfants. Il m'a trouvé mon mari. Madame Le Dan, 1985. Il y en a qui ne voulaient pas se marier avec des grands mutilés. Et puis des grands mutilés, ce n'était pas tellement rigolo, hein, des grands mutilés. Si mon mari était, il avait mal dans la colonne vertébrale, il était bras coupé ici. Hein. Vous savez, il était gentil, mais c'était pas facile de trouver un mari, c'est pour ça qu'il fallait prendre ce qu'il y avait. On ne pouvait pas choisir. Il n'y avait que des grands mutilés. On ne pouvait prendre que des grands mutilés. On les a pris comme ils étaient. Il y en avait qui n'avaient qu'une jambe, il y en avait qui n'avaient qu'un bras, et il y en avait qui n'avaient que deux jambes. Mais je crois que les journaux en avaient parlé. C'était un appel du gouvernement. Hein. Il fallait que les jeunes filles qui restaient là se marient. Hein. Les cartes postales nous montrent des jeunes femmes avec un casque de guerre sur la tête, une grande pancarte, et il y a marqué « Femmes, repeuplons la France ». Et donc, leur boulot, parce qu'il ne s'agit pas d'autre chose que vraiment d'un boulot, c'est vraiment de faire des enfants dans cette France qui a été, au niveau démographique, complètement décimée. Et c'est dans ce cadre ce que s'inscrit la fameuse loi de 1920 que des féministes comme néo-malthusienne, comme Nelly Roussel, qualifieront de loi scélérate. Cette loi interdit toute propagande pour la contraception et bien évidemment l'avortement continue d'être lourdement pénalisé, que l'on soit la femme qui avorte ou qu'on soit celle qui fait avorter, qui était à l'époque appelée faiseuse d'ange. Même les féministes, enfin la plupart des féministes sont emportées par ce vent de conservatisme. Elles sont moins radicales, elles sont moins révolutionnaires que les féministes d'avant 1914. Elles vont être outrées par le roman de Victor Marguerite. Elles vont trouver que, y compris les féministes radicales, très à gauche, comme Louise Baudin qui écrivait dans L'Humanité, qui était une féministe qui a rejoint les rangs communistes, elles trouvent que la garçonne, c'est une femme décadente, qui ne mérite que le mépris. Elle dit, par exemple, donc c'est sorti le 18 septembre 1922, donc quelques mois après la sortie, elle dit « Je ne crois pas qu'aucun romancier ait jamais approché de la licence avec laquelle M. Victor Marguerite a peint cette soi-disant nouvelle Ève qu'il appelle la garçonne. M. Victor Marguerite me permettra de lui dire la pénible surprise avec laquelle j'ai lu son livre. L'affranchissement sexuel de la femme, pour elle, c'est la pratique de tous les vices, c'est la chiennerie, pêle-mêle, en tas, hommes et femmes au petit bonheur, Sodome et Gomorrhe réconciliés, c'est la dégradation de la chair, de l'intelligence et de l'âme dans des fumeries d'opium, dans des restaurants et des bouges de luxe. Bref, c'est l'esclavage des drogues, des stupéfiants, des besoins d'essence les plus crapuleux. » Mais ces termes-là, volerie, chiennerie, pornographie, on les retrouve dans de nombreux articles. En fait, la réception est extrêmement mauvaise. En fait. Les critiques ne voient pas du tout le roman à thèse de Victor Marguerite, hein, chercher la vraie émancipation, mais ils voient la partie centrale hein, qui est les expériences homosexuelles, la multiplicité des partenaires, les plaisirs des drogues. Hein. Donc ils dénoncent la pornographie, donner une mauvaise image de la femme française en France et dans le monde. Hein. Et lui s'explique, j'ai écrit une fable vertueuse, mais ce n'est pas ça qui a été lu par mes contemporains. Monique connut l'insatiable soif des caresses. Les baisers de son amant avaient achevé, en lui révélant une volupté complète, l'initiation progressive. Elle s'était ouverte tout entière, avec l'ingénuité d'une rose qui se pâme au soleil. De brusques élans la poussaient, soudain, vers les bras musclés. Elle criait durant les minutes ardentes, l'ivresse qui lui donnait à coups furieux, les dents serrées. Ou bien, sous la lenteur savante de la pénétration, elle soupirait à voix basse la plainte heureuse des palombes. Victor Marguerite est à la recherche d'un succès de scandale. Il a besoin d'argent, il vient de divorcer. Et en étudiant les étapes du manuscrit à la BNF, j'ai vu très précisément comment il avait retravaillé pour avoir une écriture plus racoleuse, à la limite du vulgaire. Voilà comment il avait finalement joué. C'est ça qui dérange ce livre. Il a été considéré comme pornographique. Aujourd'hui, évidemment, on ne le considérerait pas comme tel, mais il y a plusieurs descriptions de scènes sexuelles, voilà, avec des mots assez crus. Mais en même temps, c'est un roman à thèse, c'est un roman qui se veut féministe, qui prétend faire de la description sociologique aussi. Donc, il y a plusieurs registres, et donc c'est un produit impur. Et ça dérange, parce que les critiques ne savent pas bien où classer ce drôle de livre. En tout cas, ce n'est pas qu'un roman à thèse. Victor Marguerite prétend avoir fait une œuvre féministe. Il est de mauvaise foi. On peut très bien prouver, donc, il a délibérément cherché le scandale. Elle caressait d'un mouvement machinal ses seins fermes, leur pointe dont le rose sur la rondeur veinée avait foncé jusqu'au carmin. Puis, descendant le long du torse musclé et du ventre plat au galbe des hanches, dont les longues jambes élançaient l'amphore, elle suivit, comme si elle le dessinait, le contour des cuisses. Et, alors, c'est pas fameux. C'est pas fameux, personne n'a vanté la qualité littéraire de la garçonne à l'époque. Et nous, aujourd'hui non plus, on aurait du mal à dire que c'est de la grande littérature. C'est de la littérature populaire au sens où elle va toucher un large public. Ce n'est pas du tout de la littérature d'avant-garde. C'est vraiment la fabrique d'une figure qui va intéresser le plus grand nombre. C'est ça qui intéresse Victor Marguerite. Mes chers auditeurs, mes chers amis, Victor Marguerite, cet apôtre de la justice sociale et de la fraternité humaine, vient de faire paraître un nouveau recueil de poèmes intitulé Nocturne. Nous allons demander au maître comment furent conçues cette œuvre poétique. Il n'a jamais été un grand écrivain, même s'il se considère comme tel et se fait appeler maître. Mais, voulez-vous dire à nos auditeurs quelques mots sur votre nouveau recueil de vers ? Bien volontiers. Mais d'abord, merci. Victor Marguerite, et bravo. 1953. Je pense d'ailleurs, sans fausse modestie, qu'une intonation manquerait à la radio si parfois la voix des poètes ne s'y mêlait. Donner à un poète la vedette de l'actualité, quand il y a tant de stars, de champions de sport et de ministres en mal de micro, c'est d'un bel éclectisme. Victor Marguerite n'est pas, en termes de littérature, un inconnu. Il a déjà une assise de romancier, social. Il a beaucoup travaillé avec son frère et puis il a produit des romans à dimension critique extrême de la condition féminine, mais aussi de la société, comme Les Prostituées. Mais aucun homme n'osait dire qu'il était client, donc ne s'identifiait à ses clients, et les femmes ne s'identifiaient pas aux prostituées. Alors qu'avec La Garçonne, il montre la société d'une façon extrêmement rigide, quelque part dans son écriture. En tout cas, il ose des termes qui montrent que cette société d'après-guerre est une société dépravée, et il montre des femmes qui ne correspondent absolument pas aux assignations de genre. Or, ce monsieur a la Légion d'honneur et président de la Société des gens de lettres, pour être un peu rapide, c'est pas n'importe qui. Sous les bouquets des énormes lustres étincelant dans la feuillaison glacée des girandoles, une rumeur montait, continue, de l'enfilade blanche et or des salons. Les personnages mythologiques des hautes tapisseries, alternant sur le damas groseille des murs, semblaient contempler avec surprise la foule qui circulait ou s'entassait d'un comptoir à l'autre, emplissant d'un brouhaha de voix et d'un remous d'élégance l'immense galerie. Le tout Paris amassé là, y bourdonnait comme un essaim géant de frelons. La vente de charité s'achevait en réception particulière, où l'élite mondaine serrait les rangs. On se retrouvait entre soi. Au lendemain de la guerre, les valeurs morales ont décliné. La bourgeoisie est toute puissante dans une montée du capitalisme financier. Il y a une description qui se fait à l'époque de la bourse, du monde de la finance, qui serait nécessairement un monde pourri. Et c'est peut-être aussi ce qui explique que le roman de Victor Marguerite soit tombé assez vite en désuétude. C'est que, à la différence de Zola, ses descriptions de ce monde-là repose sur beaucoup d'idées reçues. Il n'apporte pas, comme un Zola, des personnages profonds, tourmentés. Son livre est bourré de stéréotypes, voire d'archétypes. Et le stéréotype et l'archétype, c'est pas très bon pour la critique sociale, parce que on tombe effectivement dans une caricature que les dessinateurs portent sans doute beaucoup mieux. Et là, il ne va pas jusqu'au bout. Il pose que c'est pourri, pour parler un peu crûment comme lui, mais il ne montre pas où se situe cette pourriture-là. Et le monde de l'argent est postulé pourri, ce qui est un peu léger comme dénonciation et comme accusation. peut-être que le scandale est aussi d'avoir critiqué la société bourgeoise, l'hypocrisie, alors que les anciens combattants sont revenus très diminués, d'une société qui tourne le dos rapidement à la guerre, même si les anciens combattants essaient politiquement aussi de se faire entendre, et que finalement il y a derrière ça l'idée que la bourgeoisie s'est enrichie sur le dos du petit soldat, du petit poilu qui est mort à la guerre. C'est peut-être ça aussi qui a beaucoup heurté, du moins la bourgeoisie. Alors après, mon Dieu, ben j'ai eu 16 ans et j'ai travaillé. Lucie Beaumont, 1985. J'étais dans la visserie, on faisait uniquement des vis. Il y avait beaucoup de femmes à ce moment-là qui travaillaient? Oh, énormément, il y avait que de... On était presque toutes des femmes. C'est-à-dire que c'est des femmes qui prenaient les emplois des hommes qui... Ben évidemment, évidemment, oui. Vous savez, moi j'étais très très jeune. Enfin, je m'en suis tirée quand même. Ça a été très dur. Il ne s'agit pas de trouver sa place dans la société, au même titre que les hommes, il s'agit de les remplacer. Et lorsque la guerre est finie, le gouvernement fait un ordre de démobilisation des femmes. Elles ont donc travaillé comme munitionnettes, comme gardes champêtres, comme chauffeurs de bus. Donc elles ont eu des activités étiquetées masculines. Or les femmes de cette époque-là, elles n'ont droit à rien. Elles sont dans ce qu'on peut appeler la longue nuit du code civil qui est mis en place en 1804 et la première grande réforme du code civil, c'est 1938. Et donc, au moment de ce roman, les femmes ne peuvent pas passer le permis de conduire sans l'autorisation de leur mari. Il faut l'autorisation du mari pour tout, avoir un, quand il y aura des chéquiers, avoir un chéquier. Elles ne peuvent pas, donc avant la guerre de 14, elles ne peuvent pas non plus prendre une profession sans leur de mari. Donc les épouses, et pas toutes les femmes, mais les épouses sont vraiment sous la domination masculine. Donc dès le moment où les femmes se rendent compte que ce n'est pas comme on leur a fait croire pendant des siècles, qu'elles ne pouvaient pas parce qu'elles n'étaient pas capables biologiquement, cérébralement, mais qu'elles ne pouvaient pas parce que c'était un interdit, on dirait aujourd'hui, de genre, ben, il est normal qu'elles n'acceptent pas. Le code civil autorisait l'homme à battre sa femme dans une certaine mesure. On s'étonne qu'il y ait encore des violences dans ce pays. Ça a dû être intégré inconsciemment pendant des générations. Donc effectivement, il y a des tensions. Et du côté des hommes, il y a une peur, peut-être presque panique, que l'émancipation des femmes aboutisse à une dévirilisation des hommes. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à penser une égalité dans ce qu'on pourrait appeler une égalité dans la différence. Bon, toutes les féministes ne pensent pas comme ça, mais du moins les hommes n'arrivent pas à penser ça. Monique dansait avec tous. Même lorsqu'elle eut volontiers prolongé le jeu, il suffisait qu'elle perçût l'approche du spasme créateur pour que, volontairement, elle s'y dérobât d'une secousse à droite. Jusqu'ici, elle n'avait gardé qu'une indifférence un peu moqueuse pour ceux qui en avaient été moins le sujet que l'objet. Ce renversement des habitudes et des rôles, car Monique ne leur laissait aucun doute sur leur utilité secondaire, leur causait une humiliation ou une irritation qu'ils déguisaient mal. Il leur fallait bien, devant leur fuyant adversaire, s'avouer battus, et la proie perdue la regretter. Petite revanche qui, d'abord, avait flatté sa tenace rancœur. Donc il y a là aussi une tonne de cartes postales assez rigolotes, mais qui disent bien l'angoisse des hommes. Il y a une crise d'identité masculine juste avant la guerre de 14, notamment au moment de la publication d'un livre qui s'appelle « L'Ève nouvelle », qui entend bien dire que Adam, ça suffit, et que la femme n'est pas née d'une côte, et qu'elle est l'égale de l'homme. Et ces cartes postales montrent par exemple une femme en salopette avec une besace d'ouvrier, et le mari a un tablier, une petite fille qui s'accroche à son pantalon, et il porte un bébé avec le biberon. Donc il y a cette peur de l'inversion des assignations de sexe, et au niveau politique, quelque chose qu'on a connu au moment de la parité. Si les femmes ont autant de pouvoir que les hommes, c'est autant de pouvoir que les hommes perdent en termes de députation. Et donc évidemment, ils ne veulent pas. Le pouvoir, ça se garde. Donc il y a des tensions. Dans ces années 20, rien ne peut plus être comme avant-guerre. Parce que même si on a renvoyé les femmes à leur foyer, elles sont revenues assez vite, eh bien elles savent qu'elles peuvent ce qu'elles peuvent. Ça ne se restaure pas comme ça au sein d'une famille. Je suis le chef, Il va trouver en face de lui des femmes qui vont lui dire « Pendant 5 ans, j'ai fait sans toi, je sais faire. » Il y a des témoignages très, très beaux sur la liberté des femmes dans la rue de Paris. Il y a une infirmière qui dit « Sans la guerre et mon uniforme d'infirmière, je n'aurais jamais pu me promener toute seule dans Paris. Être libre. » On parle beaucoup d'égalité des femmes, mais ce que la guerre de 14 leur a apporté, me semble-t-il en premier, c'est le fait qu'elles pouvaient être libres. Et la liberté, on sait, on y prend goût très très vite. Vous m'ouvrez la porte parce que moi, j'ai mon passe ne voit pas. Non. On n'entre pas ici comme dans un moulin. Nous sommes donc dans les réserves du musée Galliera, en plein cœur de Paris. Une très grande chance d'avoir 5000 mètres carrés de réserve, 500 mètres carrés d'atelier. Un coup d'œil sur l'atelier. Catherine joint Dieterl. Bonjour, bonjour. Donc c'est ici qu'on conserve, qu'on restaure, qu'on prépare. Le mannequinage est quelque chose de très complexe. Pardon. Donc ici, par exemple, nous avons une cape. Des petites découpes pour un col qui est assez original. C'est la coupe qui est intéressante, hein, c'est ça. Voilà une autre robe, voilà, typique des années 25, la petite robe pour danser, perlée. Alors la dernière est une robe qui est complètement différente puisque c'est une robe utilisée pour le sport. C'est une robe de tennis qui présente l'avantage aussi de permettre le mouvement. Ce qui compte surtout, je pense, pour ces années 20, c'est l'esprit moderne. Ces constructions d'Europe qui sont complètement modernes et qui, pour moi, sont proches de l'architecture de Miles Stevens, où vous avez la transparence, où vous avez des matériaux nouveaux, beaucoup de blanc, beaucoup de métal, etc. Vous avez ça dans la mode. À l'époque, le mouvement était aussi... s'incarnait, si je puis dire, dans la voiture, parce que la voiture est considérée à cette époque-là comme un sport. C'était aller très vite, 60 à l'heure, et il y avait même un vêtement dans les collections du musée Galliera qui s'appelle 100 à l'heure. La présence d'Einstein à Paris, il vient à Paris, et les dames veulent recevoir Einstein chez elles, parce que c'est le personnage à la mode. Donc, elles le reçoivent et on commande à des brodeurs des robes où il y aura, sinon la théorie de la relativité, il y aura au moins l'électricité. Donc, vous avez énormément de broderies en forme de zigzag qui peuvent rappeler les éclairs, vous voyez, du tonnerre, parce que par assimilation, vous voyez, on fait ça. Et, bon, et ça, c'est quand même extrêmement amusant. La femme n'a pas eu le droit de vote en France, mais elle a conquis la liberté de son corps et une forme de mode qui était en rupture avec ce qu'il y avait auparavant. Et j'aime beaucoup citer Lucien Lelong. Il y avait des encarts publicitaires qu'il faisait paraître dans les journaux, dans lesquels il expliquait que les femmes devaient s'habiller avec une mode de leur temps. Et aujourd'hui, elles sortent, elles font du sport et donc elles portent des maillots de bain. Hein, on montrait son corps et on le montrait si bien que quelqu'un comme Jeanne Lanvin faisait des maillots de bain qui étaient en velours brodés de perles et de faux diamants pour se mettre au bord d'une piscine. En fait, c'est aussi que les hommes ne voulaient surtout pas partager leur pouvoir. Bon, alors la mode, ce sont des chiffons, on peut leur accorder ça et puis de toute façon, ça va passer, ce qui est vrai d'ailleurs. Claude Dominique, 1995. Attention, danger! Avant de frapper, demandez-vous 3 fois, est-il indispensable de le déranger? À l'abri de cet avis redoutable, placardé sur la porte de son bureau, trône un empereur, un despote, un tyran. C'est à l'époque un homme de carrure imposante qu'un journaliste décrit ainsi: un tour de barbe, 2 tours d'écharpe, 3 tours de ventre. Et le portrait sans retouche de celui qui fut au début de ce siècle l'arbitre suprême des élégances, le dictateur de la mode, l'ayatollah du corset, L'homme qui, après avoir libéré la femme de ses baleines, l'entortilla de jupes entravées, la transforma en abat-jour laitonné et la coiffa d'un seau à charmant. Paul Poiret, dit Poiret, le magnifique. La garçonne, c'est une jeune femme qu'on imagine sans poitrine, sans fessiers. En réalité, elle n'était pas comme ça. Il suffit de regarder les tableaux, les portraits qu'a fait Fujita de certaines de ses deux amies. Elles n'étaient pas ça, elles étaient comme les autres et elles étaient relativement rondes à cette époque. Le journal Femina disait que c'était la taille 42 qui correspondait à l'idéal de la femme à cette époque. Donc, à côté de notre 34 ou de notre 36, vous voyez qu'on en est loin. Mais il y avait quelque chose de très important en dehors de la morphologie féminine, c'est que on s'est habillé d'une façon un peu différente que quand on était garçonne. D'abord, c'est un mouvement qui n'est pas complètement nouveau. Le saphisme, ben, c'est quelque chose qui fait partie de la société. Mais en 1900, on commençait déjà à voir comme Colette, comme la duchesse de Gramont, par exemple. Bon, donc, on le savait, dans la, en société, on pouvait en parler. Mais ce qui a été très important avec cette garçonne, c'est que ça, au fond, appuyait dans un sens qui se développait à ce moment-là, qui était l'androgyne. Et dans la mode, cette mode androgyne trahirait, pour certains, serait voilà, l'expression d'une homosexualité voilà, plus ouvertement vécue. Il y a des commentaires sur la décadence des mœurs, l'homosexualité plus visible. On parle d'une épidémie d'homosexualité, d'une augmentation de l'homosexualité masculine et féminine. Il faut attendre 1930. Paris vous parle, mode, 1949. Époque où l'odalisque sera reconstruite par 10 années de sport. Époque aussi où l'équilibre des sexes sera normalisé pour que la femme comprenne que se libérer n'entraîne pas forcément l'adoption d'une silhouette des faibles et la mode de se féminiser à nouveau. Étrange mouvement de pendule. La garçon, en tout cas, cette femme androgyne n'est certainement pas le type de femme qui plaît aux hommes. Ça, c'est incontestable. Et je pense que ça a contribué aussi à ce qu'en 29, on retourne aux cheveux longs, etc. Vous voyez, on a une autre féminité qui arrive à ce moment-là, à la fin des années 20, qui correspond d'ailleurs au moment où il y a la grande crise aux États-Unis, la crise de 29. Donc, tous ces changements sont assez logiques, en fin de compte. C'est à minuit que tout paraît surnaturel. C'est à minuit que la douceur descend du ciel. C'est à minuit que l'ombre est pleine de mystère et que celui qui sait me plaire se glissera dans la nuit claire. Madame Joséphine Baker, je voudrais que vous retrouviez pour nous quelques souvenirs de cette année 1925 qui a apporté au public parisien, au public du Théâtre des Champs-Élysées, une sorte de révélation et aussi une petite révolution dans bien des domaines, ne serait-ce que dans celui du costume, des hommes et des femmes, de la mode. Joséphine Baker. Monsieur, c'est bien sûr. 1953. Quand je suis arrivée en France 1924, comme vous le savez, c'était la mode des femmes. Des femmes étaient très blanches, de peau jolie et rose pâle avec le poudre de riz tout à fait blanche, les longues chevelure assez forte avec la taille de guêpe et moi je suis arrivée en diable disons-nous avec le coupe des cheveux à la garçonne que c'est de nouveau à la mode aujourd'hui, la peau bronzée et les pauvres malheureuses femmes étaient obligées de rester au soleil pendant 3 ou 4 mois pour se faire tanner la peau. Donc on va utiliser des caoutchoucs avec du radium pour obtenir une taille plus fine, même si on ne la voit pas trop, et aussi pour remodeler le visage. Ça nous paraît quand même assez effrayant. Bon, ça c'est autre chose. Mais en même temps, on va trouver des grandes marques américaines qui vont se développer, Elisabeth Arden, Lena Rubinstein. Donc on a là tout un nouveau maquillage qui, au fond, est proposé aux femmes. C'est rester jeune aussi. Ça commence, on commence à avoir cette idée qu'il faut rester jeune. Et pour la première fois, on a aussi des femmes qui vont essayer de maigrir. Et on prend certaines du vinaigre avec du fiel pour maigrir, dont on peut se demander quel va être le résultat sur la personne, etc. Mais enfin, bon, ce n'est peut-être pas pire que ce qu'on en a aujourd'hui. Et ça marche. Ça marche, c'est-à-dire que même dans les classes populaires, dans les années 20, les femmes vont s'efforcer de ressembler à la garçonne, d'avoir un chapeau cloche, d'avoir un peu de maquillage, d'avoir des robes qui ont un peu l'allure filiforme qu'on voit dans les magazines ou aux actualités cinématographiques. Il y a un enjeu économique hein, derrière cette mode de la garçonne. Il y a une démocratisation de la mode, une démocratisation des produits, de coiffure, de teinture, de maquillage, etc. En plus, avec la vente par correspondance, c'est le début d'une mode qui se massifie et qui transcende les catégories sociales et concerne, va avoir tendance à unifier les comportements vestimentaires en France, même si, évidemment, en Bretagne, on trouve encore des coiffes. Mais c'est le début de la fin. Certaines Bretonnes, dans les années 20, commencent à laisser tomber la coiffe. Donc c'est la fin de certains particularismes régionaux ou de classe. Enfin, le début de la fin. Donc la garçonne, c'est aussi le début de ça. Un tango déroulait comme un lien ses premières mesures. Elle avait mis machinalement une main dans celle de son cavalier, l'autre sur son épaule. Il en serra discrètement la taille ronde. Elle ployait au balancement du rythme. Au balancement de la mesure, qui inclinait le va-et-vient à ce simulacre crûment évocateur de l'acte, Monique sentit contre sa chair, imperceptiblement d'abord, puis avec une précision telle qu'elle faillit s'arrêter, son danseur se roidir. Sous la légèreté des étoffes, la chaleur du sang brûlait en eux. Un engourdissement la pénétrait. Elle ferma les yeux et se serra davantage. Bras tendus, ils serpentaient, noués. Leurs doigts joints s'entremêlèrent, paume à paume, et du coup, l'imagination de leur nudité. Ils roulaient l'un sur l'autre, puis tanguaient dans un flux et un reflux mécanique, accomplissant avec lenteur la répétition du geste héréditaire. Le tango cessa net, leurs bras se délièrent. Ils se contemplaient avec une espèce de stupeur, comme si revenus d'un voyage lointain, ils se retrouvaient en face l'un de l'autre après l'absence, sans se reconnaître. Je pense que c'est aussi ça qui a fait scandale, c'est qu'elle se comporte sexuellement comme un homme. Mais même si cette femme ne cherche que le plaisir, j'enlèverai le que. Elle cherche le plaisir, eh bien tant mieux. On n'a jamais reproché à Don Juan de rechercher que le plaisir. D'où le fait que l'un des livres qui marche très bien, à peu près aussi bien que le livre de Victor Marguerite, c'est Les Don Juan de Marcel Prévost. Parce que s'il y a Don Juan, pourquoi il n'y aurait pas Don Juan? Donc on est dans une égalité de comportement qui montre que la différence des sexes n'implique pas des interdits sexués et sociaux. Et c'est sans doute ça l'égalité, la liberté. Là, ce qui trouble, c'est que c'est une femme dite normale, d'un haut milieu social. C'est pas une fille des bas-fonds qui couche à tout va, qui, pour employer des termes familiers, qui s'envoie en l'air. Non, c'est une fille de la haute bourgeoisie qui risque de dire aux autres « Mais allez-y, c'est tellement agréable !» Voilà, c'est la liberté au plus loin qu'elle peut être portée. Donc les romans pornographiques vous mettent nécessairement des femmes aussi en jeu, mais ce ne sont jamais des femmes de la bourgeoisie. Il peut y avoir un fantasme, mais on sait qu'on est dans du fantasme. On n'est pas dans du social. Là, c'est un roman social. Et de ce fait, la bourgeoisie a cette réaction extrêmement violente, parce qu'on prétend que ça doit être lisible par tout le monde, y compris par les jeunes filles des pensionnats. C'est quand même une fenêtre ouverte sur un certain type de liberté sexuelle pour les femmes. Ça rejoint, et c'est explicite dans le roman, des théories et des mouvements militants qui veulent une révolution sexuelle. Par exemple, Léon Blum, en 1907, dans Du mariage, il explique qu'il est favorable aux expériences préconjugales des jeunes filles comme des jeunes hommes, jusqu'à au moins 30 ans, si ce n'est pas 35 ans. On aurait les enfants après, et avant, on vivrait sa vie, on multiplierait les expériences, et puis on choisirait un compagnon avec lequel on aurait des enfants, une fois que toutes les passions seraient vécues. Bon, c'est la théorie de Léon Blum. Il y avait beaucoup de gens qui le pensaient pour les hommes. Lui, il dit, non, c'est intéressant pour les hommes, mais aussi pour les femmes, faisant de l'égalité des sexes aussi pour ça. Et ça a été aussi un scandale. Ce livre lui sera beaucoup reproché quand il deviendra dirigeant du Front Populaire. Donc, il y a vraiment Victor Marguerite et de ces hommes-là. Mais ce qui gêne effectivement les féministes, qui sont modérées, réformistes, c'est cette assimilation entre elles et la débauche. Et elles veulent pénétrer la République, la citoyenneté, avoir l'éducation à petits pas. Et au moment où s'instaure un jeu de navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat, l'Assemblée nationale dit que les députés sont d'accord pour le droit de vote et le Sénat le repousse. Il est probable que les députés savaient que le Sénat repousserait. Eh bien, elle pense que c'est vraiment pas une bonne stratégie et qu'au contraire, ce scandale est contre-productif. Et qu'elles vont perdre des alliés, et qu'elles, elles veulent pénétrer par les voies de la respectabilité la République, et que le livre de Victor Marguerite est évidemment, aux yeux de la majorité des gens, pas du tout respectable. Et donc les féministes risquent de ne le pas l'être non plus. Et lorsqu'on voit les photos de ces femmes, alors on est effectivement assez étonné. Elles sont habillées toujours en sombre, on n'aperçoit pas la moindre ébauche d'un sein, à part justement Marguerite Durand. Et les radicales, elles, sont très différentes. Mais revendiquer le plaisir féminin, c'est aussi s'émanciper d'une domination masculine et de dire aussi qu'on peut avoir un plaisir solitaire, ce qui à l'époque est considéré comme une maladie mentale, que ce soit d'ailleurs chez les hommes si la masturbation devient excessive, mais chez les femmes, il n'est pas normal qu'une femme se masturbe, le mot n'est jamais employé. Donc cette notion de plaisir est nécessairement trop perturbatrice dans le combat féministe pour être mise en avant. Il faudra attendre 1970 et on voit que à l'époque, ce sera largement un combat non mixte parce que un petit peu inaudible par un certain nombre d'hommes. Elle inclina la tête. Sur le coup de neige, une ligne rose paraissait, perdue sous le velours noir de la robe, décolletée à peine. Il me semble que vous avez quelque chose de changé. Oh, c'est vos cheveux peut-être. Vous les laissez repousser? Moi qui allais couper les miens? Non, baronne. Restez comme vous êtes. Les cheveux courts, c'est bon pour les garçons. Est-ce que mademoiselle L'Herbier songerait à devenir madame? Monique sourit. Madame Blanchet? Un mari? Des enfants? Pourquoi pas? On a souvent noté que la fin de La Garçonne est très morale, parce qu'après avoir décrit avec beaucoup de détails la vie sexuelle de Monique L'Herbier, Victor Marguerite lui donne un mari. Elle rencontre un homme qui lui sauve la vie, déjà, un ancien combattant, blessé au chemin des dames, donc vraiment on accumule les symboles, professeur de philosophie, à Versailles, et le plus drôle c'est quand même son nom, puisqu'il s'appelle Blanchet. Donc on est aussi dans la blanchité. Et ce brave monsieur Blanchet est prêt à pardonner tout à Monique. C'est un homme progressiste qui est partisan de la réforme sexuelle, donc il n'est pas du tout choqué que sa future épouse ait une belle expérience sexuelle. Et Monique, reconnaissante, laisse repousser ses cheveux. Donc ça, c'est très intéressant aussi, toute la symbolique. Au début, elle a les cheveux longs, elle devient une garçonne, elle se coupe les cheveux, et puis elle rencontre son futur mari, elle se laisse pousser les cheveux, et elle va devenir plus tard maman. Cet homme si beau, si intelligent, si bon. Elle se sentait une pauvre chose, salie, diminuée. Et pourtant, jamais elle n'avait eu un tel élan de tout l'être vers le besoin de croire et l'ivresse d'aimer. Qu'on était bien, qu'on était bien autour de cette table, dans la gentille salle à manger, la chaude lumière, la simple joie d'être là. Pour les gens qui ont lu le roman comme un roman émancipatoire, c'est au-delà décevant. C'est, je trouve qu'on peut la même la lire comme une claque, quoi. C'est du désespoir. Et puis, ce qui est très étonnant, c'est que finalement, ce roman qui a fait tellement scandale n'est pas si scandaleux que ça. Car quand on le regarde de près, Victor Marguerite ne montre pas son héroïne heureuse. Elle n'est jamais heureuse. Elle voudrait même un enfant. Elle devient stérile, comme si Dieu ou la société l'avait punie. Au moment où Victor Marguerite écrit ça, il se positionne du côté de ceux qui pensent qu'elle doit être punie. Peut-être qu'il ne se positionne pas comme ça, puisque lui-même dit que ce n'est pas parce qu'il écrit ça qu'il approuve ce qu'il écrit. En tout cas, il montre qu'il est pensable de dire qu'une femme est stérile parce qu'elle s'est mal comportée, à tel point que quand elle va rentrer dans le droit chemin, elle va le devenir fertile, ce qui médicalement est vraiment une incongruité totale. La Monique transitoire, celle qui avait gaspillé son esprit et sa chair, achevait de disparaître. Dans son allure assagie, dans sa réserve charmante, une apparence plus féminine se manifestait. La révoltée d'autrefois, la garçonne orgueilleuse, se retrouvait femme et faible devant la grandeur du véritable amour. Elle est vraiment une figure repoussoire qui va justifier un retour à l'ordre. On invente une figure imaginaire qui fait peur pour justifier le retour à l'éternel féminin. Ça va être la grande thématique de Vichy. Dans les années 30, 40, 50, on va avoir un grand, pas vraiment un retour en arrière, mais un retour à l'ordre moral et sexuel. Un mouvement anti-garçonne, véritablement. Donc après coup, on a envie de dire, ah, la garçonne. Ah, elle a vraiment incarné quelque chose de si moderne, de... Et c'est en partie vrai. Et puis bon, quand on creuse le mythe, on s'aperçoit que c'est un mythe qui arrange bien aussi les conservateurs et les ultra-conservateurs aussi, et l'extrême droite qui va tant contribuer au mythe des années folles. Le mythe, c'est un mythe, les années folles. Voici notre garçonne. Elle est sortie de sa double éducation et de la guerre avec la soif d'émancipation qu'ont tant de femmes, ses sœurs. L'élite entraînera la masse. Toutes, elles portent en elles une force bienfaisante en puissance. Puissance de paix, de justice et de bonté. Force qui s'épanouira. Comptons pour cela sur celles qui ont fait et qui continuent à faire de plus en plus leur part de travail. Peut-on blâmer Monique d'être allée de l'avant à sa manière? Un faux pas, oui, mais tout de même un pas. Est-ce qu'on songe au fumier quand on respire une fleur? La garçonne, une femme des années 20. Avec Christine Barr, Yannick Ripa, Catherine Join-Dieterle, Françoise Thébault et Annie Metz. Merci à la Bibliothèque Marguerite Durand et au Musée Galliera à Paris. Lecture de La Garçonne de Victor Marguerite, Hélène Losseur. Archivina, Marine de Canse. Documentaliste, Anne-Lise Signoret. Coordination, Perrine Kervran, Marivonne Abolivier. Prise de son, Yann Frécy. Mixage, Alain Joubert. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Diffy Mariani. Femme libre, soumise, garçonne, mariée ou divorcée, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou nous réécouter avant de s'encanailler, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Aboulivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez nous podcaster sur toutes les plateformes et nous suivre sur la page Facebook de France Culture, sur Twitter et même sur Instagram, LSD, la série documentaire. Et la semaine prochaine, eh bien la semaine prochaine, nous rediffuserons notre série consacrée à l'identité judiciaire. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, une histoire particulière et une vie, une œuvre.